Communiqué. Après Indymedia Lexington, Indymedia Grenoble et Nantes sont victimes de l'antiterrorisme. Texte paru le 22 septembre 2017 sur le site grenoble.indymedia.org. Lors de la nuit de jeudi 21 septembre à 3h du matin, un incendie a ravagé un hangar de la gendarmerie de Grenoble ainsi que la cinquantaine de véhicules qui s'y trouvaient. À 13h, un article de revendication est publié sur Indymedia Grenoble. Quelques heures plus tard, l'équipe du site reçoit, par personne interposée, un courriel de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, l'OCLCTIC, l'assommant de retirer le contenu du dit article pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Cette requête, qu'a reçue aussi Indymedia Nantes, fait directement écho à l'attaque qui a eu lieu en Allemagne le 25 août dernier contre Indymedia Lexington, attaque qui s'est soldée par la perquisition de 4 domiciles et un centre social autogéré, et ce pour des prétextes similaires. Le ministère de l'Intérieur allemand parlait alors de publication contraire à l'ordre constitutionnel et considérait les membres d'Indymedia Lexington comme membres d'une association terroriste. Nous avons plié à cette demande directe des bureaux de police. Nous souhaitons cependant que soient actés les deux points suivants. Il nous semblait, et nous semble toujours, important que soit visibilisée la nature politique d'action directe, fût-elle pénalement répréhensible. Nos États sont actuellement en train de mener une véritable guerre médiatique. Celle-ci semble viser à faire taire les oppositions politiques radicales et à criminaliser les collectifs et individus qui communiqueraient sur leurs objectifs politiques, et ce, sans le prisme déformant des médias traditionnels. Rappelons qu'Indymedia a été créé suite aux manifestations de Seattle contre la réunion de l'OMC. Alors que les gens manifestant sur place se rendaient compte que ce qu'ils vivaient ne correspondait pas à ce qui était relayé par les médias. Indymedia Grenoble a ainsi permis de faire entendre la réalité des personnes sur place lors des différents mouvements sociaux qui ont eu lieu localement, contre la lutte CPE, la LRU, le mouvement des lycéens, les émeutes qui ont fait suite au meurtre de Karim Boudouada, Villeneuve en 2010, les manifestations contre la loi travail, etc., et pas uniquement celles de journalistes ou soi-disant spécialistes. En l'occurrence, nous avons le sentiment d'être parvenus à cet objectif en permettant à un communiqué de revendication d'être relayé sur un très grand nombre de médias. C'est la deuxième fois en moins de 10 ans que la police tente ainsi d'intimider les équipes d'Indymedia Grenoble. Des journalistes patentés étaient d'ailleurs à l'origine de perquisitions contre les domiciles de gens et d'associations suspectées de faire partie de l'équipe du site. Nous jugeons la répétition de toutes ces pressions intolérable. C'est pourquoi nous, collectif d'Indymedia Grenoble, invitons plus que jamais tous les médias libres à affirmer leur autonomie et à ce que soient soutenues les initiatives de communication directe et indépendante lors d'actions politiques. Ce qui nous touche aujourd'hui, c'est ce qui peut toucher tous les autres médias dans les temps à venir. Solidairement, l'équipe d'Indymedia Grenoble. Voilà, donc ça c'était le communiqué publié par Indymedia Grenoble sur le site grenoble.indymedia.org.